J'ai passé mon temps dans la zone, j'ai cassé mon corazon. Sont blasés quand tu fais la zone, et bonne année dans la zone. J'ai passé mon temps dans la zone, j'ai cassé mon corazon. Sont blasés quand tu fais la zone, et bonne année dans la zone. On m'a dit, tu as tout dans les manos, fais pas le savastano. J'suis avec le G et mi hermano. Tu vas danser, c'est cadeau. Oh oh oh, bébé, je suis pas bien sans toi. C'est vrai que la vie nous mène en bateau. C'est vrai que j'suis pas là, mais je t'aime encore. Faut pas regarder derrière. Mon sang, j'ai perdu le mode d'emploi. J'ai le passé qui me colle à la peau. Rappeur connu qui sonne en berlingo. Toujours le respect d'abord. Beaucoup de sourires, mais très peu d'amis, ouais. Quand vient la nuit, copinage avec les nids, ouais. Beaucoup de sourires, très peu d'amis, ouais. Quand vient la nuit, j'te le dis à Nani. La gadji fait trop dégâts, donc j'l'amène à la plage. Bruit de la merde dans le coquillage. Plus d'ennemis que d'amis. On va loin comme Koh Samui. On s'amuse tellement qu'on s'ennuie. J'sais avec qui tu passes tes nuits, oui. J'te le dis à Nani. J'ai passé mon temps dans la zone, j'ai cassé mon corazon. Sont blasés quand tu fais la somme. Et bonne année dans la zone. J'ai passé mon temps dans la zone, j'ai cassé mon corazon. Sont blasés quand tu fais la somme. Et bonne année. Chaléo HLM, c'est la Nautilus à gelée. N'apporte pas à Châtelet où tu ne la reverras jamais. Son véhicule est à chaise, elle dit qu'elle s'appelle Achelet. J'ai un doute, j'appelle un pote avant de me retrouver enchaîné. Ambiance rainée, tout l'été. Passé à méditer, à me demander si t'étais vrai. J'te connais pas, moi, y'a des coups qui partent. Ils viennent tous des Pays-Bas. J'te le dis à Nani, la gadji fait trop dégâts, donc j'l'amène à la plage. Bruit de la merde dans le coquillage, plus d'ennemis que d'amis. On va loin comme Koh Samui, on s'amuse tellement qu'on s'ennuie. J'sais avec qui tu passes tes nuits, oui. J'te le dis à Nani. J'ai passé mon temps dans la zone, j'ai cassé mon corazon. Sont blasés quand tu fais la somme, et bonne année dans la zone. J'ai passé mon temps dans la zone, j'ai cassé mon corazon. Sont blasés quand tu fais la somme. Et bonne année dans la zone.